cheeseburger, prenant ma place dans le rang. Il ne me reste qu'un quart d'heure. Pour manger, c'est pas marrant. La file s'avance lentement. Ce tour entre deux grandes machines qui digèrent un magma sanglant. Mixture de chair et de farine. Un détour vraiment bizarre. Le mec devant se fait happer. Par un appareil qui dada, en fait la pure viande hachée. Pour éviter cette fin minable, je zigzague dans ce couloir. Dans le noir, je rampe dans un bouillon infâme. J'essaie de quitter ce snack piégé. De grands charcutiers aux dents très rouges. Des coupes étranges, tout ce qui bouge. De drôles d'anchois me rongent le crâne. L'odeur de graillon m'étouffe maintenant. Je m'écroule sur un tapis roulant. Et je suis projeté dans le néant. Je me réveille et il fait chaud. Je m'étire et je me sens bien. Finalement, on n'est pas si mal. Coincé entre deux tranches de pain. Coincé entre deux tranches.